Roi Zeus, qui commande ton nuage et rassemble les nuées. Fils de Cronos l'allophage et titan tant détesté. Roi Zeus, qui dirige cet aéropage devant vous tous regroupés. Je déclare cette assemblée ouverte. La parole est à la déesse Athéna. Athéna aux yeux perçants, fille de Zeus et de Métis. Athéna, déesse de la sagesse, des artisans et des artistes. La parole est à la déesse Athéna. Hommes et les dieux, maître de la foudre, des orages, du feu, je m'incline devant tes vertus, ô toi, l'ambassadeur des nuées. Et vous, mesdames et messieurs les dieux, je vous salue, ici tous assemblés. Je veux vous conter le supplice du héros tant renommé Ulysse, de Laërte et d'Encyclée. Ulysse, petit-fils du célèbre voleur Autocyclos, aux mille prouesses. Ulysse, descendant du dieu Hermès. Ulysse, ce héros qui passa 10 années contre la ville de Troie, à guerroyer. Ulysse, un conflit sans destin, dont les dieux forcèrent le destin. Seul, le rusé Ulysse put y mettre fin, offrant aux assiégés un cheval chafouin. Sortir de son armée qui détruisirent les Troyens. Ulysse, depuis 10 années, 10, puis 7 années, Pénélope, sa bien-aimée, dans son île, se languit sans nouvelles de lui. Mesdames et messieurs les dieux, ici, tous assemblés, et toi, ô Zeus, le justicier, premier pitié du supplice d'Ulysse, qui sur son île d'Ogygie est retenu prisonnier. La parole est à Poséidon, dieu des mers et des océans, premier enfant de Rhéa de Cronos le titan, Poséidon, le dieu aux cheveux bleus armé de son trident. Monsieur le Président, mes chers collègues, et toi, Athéna, aux yeux perçants, je me dois de corriger ce récit quelque peu perverti. Dans son île d'Ogygie, la déesse Calypso a bien recueilli ce sombre héros, se vouant corps et âme à son devoir d'hospitalité. La jeune fille d'Atlas a laissé place à l'amour d'une femme pour un homme désiré. Une passion immodérée a lui donné comme gage le sage pouvoir de l'immortalité. Pourquoi parler d'un homme retenu en otage? Ou serait-ce l'amour en cage que le lourd supplice d'Ulysse qui fut de donner à Calypso un fils? En quittant l'île d'Ogygie, Ulysse laissera derrière lui une femme sans destin et un orphelin. La parole est à Athéna. Athéna, déesse de la sagesse. Je ne suis pas venu en ces lieux pour entretenir les dieux du commérage d'une femme bafouée ou d'orphelin délaissé, mais pour interdire le partage de l'île d'Ithaque, ta bien-aimée, Ulysse, depuis 10, puis 7 années. Pénélope, sa bien-aimée, dans son île se languit, sans nouvelles de lui, Ulysse. Mais aussi, depuis 7 années, cette reine éplorée repousse les avances des prétendants qui annoncent le décès d'Ulysse, au cœur vaillant. Depuis 7 années, pour lui garder fidélité, la belle épousée assise dans ce métier à tisser, a construit une tapisserie d'elle détricote la nuit. Ulysse. Et pendant ce temps, les prétendants qui veulent l'épouser vident le grenier du héros Ulysse et se repaissent de la viande de ses troupeaux. Ce n'est pas une affaire de cœur que je vous présente comme offrande, mais une affaire d'État que l'on doit se droit de comprendre. La parole de contestation est au dieu Poséidon. Ulysse est un héros assez rusé pour se sortir seul de ce guépier. Il l'a déjà prouvé dans le passé. Auriez-vous oublié comment il réussit à se désintoxiquer, lui et son équipage, des fruits de l'oubli dans l'île des lotophages? Me faut-il évoquer par quel sombre stratagème sur les îles des Cyclopes il aveugla mon fils myope Polyphème? Auriez-vous oublié dans l'île éolienne il fut initié aux énergies nouvelles par dieu Éole, maître et régisseur des vents indomptés? Il réussit à sauver son embarcation des lourds rochers jetés par les géants Lestrigion. Il sut se déjouer du charme sensuel de la magicienne Circé. Du mort du royaume des morts, il s'enfuit. Resta sourd au chant des sirènes de l'oubli. Auriez-vous oublié qu'il s'échappa des rochers errantes de Chalib et Scylla? Auriez-vous oublié qu'il se tint à jeun lors du festin des bœufs sacrés d'Hélios sur l'île du soleil? Ce héros sans pareil, vainqueur victorieux, nous connaît mieux que nous, les dieux. Toi, Poséidon, dieu célèbre du Panthéon, à la colère telle a déclenché des catastrophes naturelles. Tu aurais peur? Aurais-tu peur? Toi, tu aurais peur d'un simple mortel? Les soi-disant ruses d'Ulysse ne sont qu'instinct de survie. Le destin innocent d'une vulgaire vie. Toi, Athéna, déesse de la sagesse, souviens-toi comment les hommes nous ont élevés jusque-là. Leurs fils, comme leur père, ne savaient pas pourquoi ils souffraient sur terre. Les fils, comme leur père, ne savaient pas pourquoi la maladie dévorait leur chair. Les fils, comme leur père, ne savaient pas pourquoi la mort kidnappait leurs frères. Les fils, comme leur père, s'imaginaient qu'ils payaient un péché originel, une coupable faute faite aux dieux, et nous créèrent régnant dans les cieux. Les hommes n'osent surtout pas s'avouer que c'est à cause de rien du tout. Et le Verbe s'est fait chair et les dieux sont nés. Avec ses connaissances, le sage Ulysse pourrait le divulguer. Moi, Athéna, engendré par la peur, j'ai su tirer profit pour dépasser les créateurs. Moi, Athéna, comme la mousse connaît la pierre, comme l'arbre et le lierre. Je n'ignore pas les forces et les faiblesses qui m'ont porté au rang de déesse. Ulysse n'est qu'un humain qui n'a comme vice que de porter son destin. seul. Le règne de son île lui est salutaire. Sans oublier aussi celui de revoir son fils Pénélope, sa femme et son père. Le reste n'est qu'irrationnel pour ce simple mort. Moi, Zeus, qui commande tout nuage et rassemble les nuées, fils de Cronos, l'allélophage et titan tant détesté. Moi, Zeus, qui dirige cet aéropage devant vous tous regroupés, je déclare ce débat. Terminé.